15h08 sur le 95 FM. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations avec Bruno, comme tous les dimanches, de 15 à 17h, 2 heures de hard rock, de métal, avec des nouveautés, avec des vieilleries, des autoprods, pas mal de bonnes choses. On va pas beaucoup parler aujourd'hui parce qu'on a pas mal de bonne musique à vous passer. La preuve avec Van Halen en 1978 pour commencer l'émission, le premier album multiplatine et le morceau d'ouverture, le fantastique Running with the Devil. Juste à l'instant, Salem, les Français de Salem, avec l'album La Fin d'un Monde sur le label Brennus, paru l'an dernier, et le morceau featuring Fabian Shine de Shaking Street, le morceau Rumeur. On reste en France avec les Bordelais de Vixen, l'album After Hate et le morceau My Religion. Music is my religion. Music is my disease. Music is my religion. Music is my disease. Music is my religion. Music is my disease. Music is my Un style intouché, inimitable et reconnaissable entre mille, celui de S. Frehley, bien sûr, le guitariste emblématique de Kiss, bien convaincant en 2014 avec l'album Space Invader et le morceau Gimme a Feeling, bien convaincant, je veux dire bien plus convaincant par exemple qu'un Kiss version 2017 qui n'est autre qu'un tribute band en fait. Voilà. Ils seront en interview, non pas S. Frehley bien sûr, ça me ferait vraiment plaisir de l'accueillir dans les studios de RQC, mais le groupe Abigail le 4 juin prochain à partir de 15h, notez bien ça sur votre agenda, le groupe Abigail sera en interview dans Rock the Nations à partir de 15h sur le 95FM, sur le www.rqc.be. Ils viendront nous parler de leur album qui s'intitule Electric Lady. On a passé de nombreux extraits et on continue avec le morceau d'ouverture Dying Petal, Abigail. Last night, I You're listening to Rock the Nation. h 26 minutes sur le www.rqc.be, à l'instant la bande originale du film Pop 'em the Volume avec un titre de Soundgarden qui s'appelle Heretic, morceau qui est resté inédit et uniquement disponible sur cette bande originale du film paru en 1990, Pop 'em the Volume, qui regroupe également les Pixies, Henry Rollins avec les Bad Brains pour une reprise des Kick Out the Jams de MC5 ou encore Sonic Youth. Soundgarden, une bien nouvelle qui nous est tombée comme ça, sans prévenir. Ce jeudi, Chris Cornell est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, après un dernier concert avec Soundgarden. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, donc Rock the Nations tenait à lui rendre hommage. Reste en paix, Chris Cornell, et puis un grand merci pour toute la bonne musique que tu nous as apportée avec Soundgarden, bien sûr, mais également Temple of the Dog et bien sûr les Audioslave avec les ex Rage Against the Machine. Allez, on repart en musique parce que la musique c'est la vie. Je dédicace ce morceau à Laurent, l'animateur de l'émission Hot Rockin' tous les mardis de 20h à 22h sur Radio Morvan. Il adore ce chanteur, il adore ce groupe Rainbow en 1979 avec Graham Bonnet, l'album Down to Earth, le quatrième album du groupe de la bande Ritchie Blackmore et le morceau No Time to Lose. Get down! Denim & Lever, saxon bien sûr, en 1981, leur quatrième album studio Denim & Lever, un texte qui nous plonge directement dans la New Wave of British Heavy Metal, qui nous plonge directement dans cette époque bénie où saxon figurait bien sûr, mais également d'autres groupes, les plus connus étant Def Leppard et Iron Maiden, mais également Angel Witch, Diamond Head, j'en passe et des meilleurs, Holocaust et bien sûr les increvables Raven. Allez, 15h36 sur RQC, c'est l'émission Rock the Nations. On retrouve également Rock the Nations sur Facebook avec l'intitulé Rock the Nations Radio Show. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette page. Toutes les playlists y figurent, ainsi que la plupart des émissions en podcast. Et on part avec les productions de chez Inferno Records. Le premier 6 titres de Tentation Auto intitulé paru en 2015 sur ce label. Et le morceau L'épreuve du sang. Lady Beast à l'instant, Lady Beast avec un extrait de leur dernier EP 4 titre intitulé Metal Immortal. C'était le morceau Not This Time et c'est sorti également sur le label Inferno Records. Par au Canada, à Ottawa plus précisément, en 1983, avec le premier album du power trio Exciter, Dan Biller à la batterie et au chant, Alan Johnson à la basse et John Ritchie à la guitare, pour cet album, premier album intitulé Heavy Metal Maniac, un classique, et on s'écoute le morceau Rising of the Dead. Suck Your Bone, Voivode en 1984, leur premier album intitulé War and Pain, paru sur le label Metal Blade. Le concept Voivode est là, et bien là, dès ce premier album, et va se développer tout au long de la carrière de ce quatuor québécois. Juste auparavant, le premier album auto-intitulé de Fink, avec un extrait de cet album intitulé Le Désert, un album autoproduit et édité à 1000 copies. On part à New York avec Overkill, eux aussi increvables. Overkill, emmené par Blitz aux vocals et Didi Verny à la basse. Le groupe, encore nous envoie des riffs, ça arrive sévère. Et extrait de ce dernier album sur le label Nuclear Blast, The Grinding Wheel. On s'écoute le morceau The Wheel. Voilà, un groupe qui ne perd pas de temps. Le groupe s'est formé en 2016 et nous propose, dès cette année, son premier album, Born Again. L'album s'appelle Strike With Power. Il est sorti chez Massacre Records, le label allemand, et produit par Pierre-Emmanuel Pélisson, l'ex Heavenly, avec une pochette signée Stan Decker, qui a signé plein de pochettes pour plein de groupes différents. C'est vraiment l'artiste qui a le vent en poupe ces dernières années, Stan Decker. Et donc, extrait de cet album Strike With Power, Born Again, nous propose le titre d'ouverture New Generation. On reste dans les premiers albums, mais en 1993, avec le premier album de Rob Halford et de son Fight, avec l'album qui s'appelle War of Words et le morceau Immortal Sin. Immortal sin. Les futurs, les ex, Scatterbrain en 1986, premier album. Voilà, c'est les futurs Scatterbrain. Et là, c'est Ludy Christ, première incarnation de Scatterbrain avec le chanteur Tommy Christ. Excusez-moi pour le détail. L'album s'appelle Immaculate Deception en 1986 avec une pochette signée Repka et le morceau d'ouverture Fire at the Firehouse, juste auparavant le premier album de Rob Halford featuring Fight en 1993. L'album classique s'appelle War of Words et le sublime Immortal Sin. On part dans les autoprod avec quelque chose que vous connaissez bien, les Scratch Bulb, nos amis de Scratch Bulb, avec leur unique EP, 5 titres parus l'an dernier. Ce EP s'appelle Disease, Hate, Death et Sin. Et on s'écoute le morceau d'ouverture, Grind Scrotum, Scratch Bulb. With my mind, I was too blind to say. Waste of Time, Madball, extrait de leur troisième album paru à l'été 1998 sur le label Roadrunner. Et cet album s'appelle Look My Way. On reste sur le label Roadrunner, on part en 1989 avec une des grandes révélations de cette année-là. Les Brésiliens de Sepultura, bien sûr, avec l'album Beneath the Remains, mon album favori. Bon, on peut dire que c'est le meilleur. Allez, c'est le meilleur de Sepultura, Beneath the Remains, paru en 1989 au printemps et produit par Scott Burns. Et extrait de ce fantastique album, le morceau qui le clôture, Primitive Future. Ils sont cinq, ils nous viennent de la Louvière et ils nous proposent leur album Spontaneous Combustion. J'ai bien sûr parlé des Ashes into Blood et extrait de leur album. On s'est écouté le morceau Smile. On part en Norvège avec Blood Red Throne, un des chefs-d'œuvre mésestimés du Brutal Death, l'album de 2003 sur le label Hammerheart, Affiliated with the Suffering. Et on s'écoute le morceau Bleeder's Lament. 16h34 minutes sur le 95FM, vous êtes bien à l'écoute de RQC, l'émission Rock the Nations, tous les dimanches de 15 à 17h avec Bruno. On est ensemble donc jusque 17h, là c'est la partie brutale avec les sorties du label Great Dane et notamment Exocrine avec leur dernière sortie Ascension parue cette année. Un album réparti en 3 chapitres et extrait du 3e chapitre qui s'appelle Rebirth, c'était le morceau Garden of Flesh. On part en 2001 avec les Anglais de Extreme Noise Terror, l'album Being and Nothing paru le 22 mai. Donc il y a bientôt 16 ans, et oui, demain ça fera 16 ans. Extreme Noise Terror, donc extrait de cet album Being and Nothing, le morceau Through Mayhem. Les Lillois de Death Control avec leur EP 4 titres paru en septembre 2015. Le EP auto-intitulé et le morceau d'ouverture The Beast, Death Control, dont on attend le premier album Waiting a Soul, qui ne saurait tarder. Il y a eu des problèmes de pressage à l'usine, ce qui fait que ça a été retardé, mais bon, on va bientôt le recevoir et on va pouvoir en passer très prochainement à Rock the Nations. On part avec les classiques Cannibal Corpse en 1990, leur premier album Eaten Back to Life et le classique A Skull Full of Maggots. We'll be right back. L'album du mois. Et 52 minutes sur le 95FM, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations, la page Facebook de l'émission Rock the Nations Radio Show pour l'intituler, à l'instant l'album du mois, terrible album que ce deuxième diabolique Subterranean Magnitude paru sur le label Hammerheart l'été 2001, pardon, et c'était le morceau Failed Extraction, juste auparavant le dernier album de Merciless sur le défunt label Chaotoxin, l'album s'appelle Pathetic Divinity, et c'était le morceau A Representation of Darkness. On part en Hollande avec l'album de la reformation de Pestilence paru sur le label Mascotte en 2009, l'album s'appelle Resurrection Macabre, et on s'écoute le titre Devouring Frenzy. A sense of murder. 16h59 sur le 95FM, l'émission Rock the Nation touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain à partir de 15h pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et ressourcez-vous dans ce que vous aimez. Voilà, un bon dimanche, à la semaine prochaine et bonne écoute sur le www.rqc.be. Salut !